Alléluia. Alléluia. On est cinq mois dans le monde. Au bon guin à l'okoum. Au bon guin à kembo, pena ma sang jolie, moi, gabéré. Ça m'a bien sonné. Tu fous comme il bossonne ailleurs. Tu quittes il bossonne à mon conseil. Que voy a salir. tu es digne de gloire. Toi qui as déversé ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer comme toi.